allons maintenant nous intéresser un petit peu au film qui est allé voir Léa cette semaine. Super. Ah. Léa, oui. C'est le moment de ta critique ciné. Exactement. Et ben je vais vous parler de l'Odyssée. J'ai trop envie de le voir. De Jérôme Salles. J'adore. Donc la vie de Jacques-Yves Cousteau interprété par Lambert Wilson est bien trop importante pour la traiter en un seul film. C'est pourquoi ce biopic n'est pas complet. Ce sont des tranches de vie autour d'un seul et même axe scénaristique, la relation qu'il entretient avec son fils cadet Philippe, incarné, habité même par Pierre Niney. Les seconds rôles en souffrent un peu d'ailleurs, comme le fils aîné Jean-Michel, incarné par le trop rare Benjamin Laverne de la Comédie Française. Il y a de belles idées de mise en scène, tout en restant sobre. L'image fait elle-même le travail, elle est somptueuse, illustrée par la partition épique d'Alexandre Desplat. Les scènes se succèdent et sont toutes plus belles les unes que les autres. On passe d'un ballet de requins à la parade d'une baleine, puis à un lever de soleil sur l'Antarctique. Comme le rêve de Philippe est de devenir aviateur, la caméra de Jérôme Salles vole sur et sous l'eau, nous offrant une fluidité presque dansante dans sa manière de filmer. La première partie est un peu en dents de scie, mais le film décolle dès que Philippe comprend l'importance de l'écologie. Il mène alors un combat contre sa figure paternelle et se fiche bien au final des conséquences de ses actions sur la planète. Et oui, vous avez bien entendu, Cousteau s'en branle. Et il ambitionne même de faire changer les choses contre son père. À partir de là, il faut savoir que ce n'est plus un film sur Jacques-Yves Cousteau, c'est un film sur Philippe Cousteau, son fils, mais pas que. Philippe était un visionnaire écologique, car à cette époque, personne ne se préoccupait des océans. Ils sont tellement vastes et inexplorés qu'on les pense inépuisables. En définitive, ce que j'ai appris de Cousteau, senior, c'est qu'il avait cette capacité à rendre possible ce que le monde croyait impossible. Il innovait, il repoussait toujours plus loin les limites de l'observation sous-marine et du film aquatique. Mais ça n'en fait pas un super-héros pour autant. Il est terriblement humain et avec de nombreux défauts. Son succès l'a mené à une mégalomanie dont souffre tout son entourage. Il savait qu'il était le Christophe Colomb des océans. Il finit par se rendre compte bien heureusement de ses travers et admettra qu'il a découvert un nouveau monde, qu'il a voulu l'explorer, le partager, ce qui l'a rendu si célèbre, mais il a aussi voulu le conquérir alors qu'il aurait dû le protéger. Ce film parle de sujets très simples comme les rapports humains, familiaux, notre rapport à la nature ou à la planète, mais la vie a tellement abîmé tout ça qu'il en devient complexe d'en parler. Jérôme Salles a donc pris le parti de ne pas être bavard, c'est sa caméra qui parle et surtout sa direction d'acteur. Lambert Wilson, qui n'est de toute manière jamais décevant, est troublant de sincérité dans ce personnage antipathique, froid mais attachant. Pierre Niney prouve une fois de plus son immense talent malgré son jeune âge et le place sur le podium des meilleurs acteurs de sa génération et probablement de la suivante. C'est une odyssée épique et émouvante sur les profondeurs sous-marines certes, mais c'est surtout un film qui nous plonge au cœur de l'humain. Merci Léa. Merci Léa. De rien. Eh ben je vais aller le voir. Mais allez-y. Allez-y, ouais.